نهار ديال جيرمي نهار دمار نهار ديال دمار Jour de Zermi pour Jermi, c'est moi que je cite. C'est de la fiction, pas du vécu, façon explicite. Ego surdimensionné, ça fait partie du trip. À contre-pied les clichés, la journée d'un pauvre type. Jour de Zermi pour Jermi, c'est moi que je cite. C'est de la fiction, pas du vécu, façon explicite. Ego surdimensionné, ça fait partie du trip. À contre-pied les clichés, la journée d'un pauvre type. Comme dit l'autre, tout a commencé quand je me suis levé du pied gauche. J'ai crucifié mes orteils sur le coin du lit, crois-moi c'est haut. J'étais grave énervé avant même mon café. Ça peut pas continuer comme ça, prends-toi en main, je me suis juré. C'est plein d'allant ouais. J'ai franchi la cage d'escalier. Sa mère trop pris d'élan. Comme un gros rem, je me suis vautré. La main sur un crachat et l'autre sur un chewing-gum collé. J'avais la tête prête à hurler, mais je me suis vite calmé. J'avais un pitbull, un molosse à 2 cm de mon nez. Comme un chat apeuré, j'ai senti mes poils s'hérisser. Je me suis dit où est le proprio. Je l'avais dans l'os. Klebsalé solo, ravale ton ego. Comme un mesquine, j'ai courbé le dos. Alors j'ai respiré à fond. En tentant d'amadouer le toutou, ma cache plutôt crevé. Ce chien avait un regard de fou. Et en moi-même, j'ai remis, va te croquer. Si tu fais rien, au moins il faut que je l'avoue. Je lui fais ma race quelque chose de bien. J'ai murmuré des mots gentils, même essayé les caresses. Tout en tentant de me dégager, sans faire de bruit, en souplesse. Mais la bête avait les crocs, et dans ma cuisse ils sont plantés. Des corps plantés, mollets déchirés, une journée mal barrée. Comme un clodo, j'allais cloche-pied quand je me suis débiné. Pas si grave, traîner la patte, ça fait stylé dans mon quartier. J'adopte la démarche propre, même si j'ai mal à crever. Va pas le crier, s'il te plaît, j'ai ma réputation à concert. Jour de Zermi, pour Jermi, c'est moi que je cite. C'est la fiction, pas du vécu, façon explicite. Ego surdimensionné, ça fait partie du trip. À contre-pied les clichés, la journée d'un prof. Jour de Zermi, pour Jermi, c'est moi que je cite. C'est de la fiction, pas du vécu, façon explicite. Ego surdimensionné, ça fait partie du trip. À contre-pied les clichés, la journée d'un pauvre type. Hard mer déchiré et ma basket qui boitait. J'ai décidé de faire bonne figure comme si de rien n'était. J'ai poursuivi mon chemin comme un gars Sam qui a des projets. Rien que le fait d'y penser, mec, j'avais l'impression que c'était vrai. Wesh, ça va, Jermi? Tranquille. Je m'apprêtais à répondre, mais j'ai ouvert les yeux et je me suis mis à fondre. Le mec qui me tendait la main se foutait pas mal si j'allais bien ou pas. Ça sentait l'embrouille. Comme par hasard, c'était pour moi. Faut dire que vis-à-vis de lui, j'avais comme qui dirait des dettes. Rien qu'à voir sa tête, j'ai vite déduit que ce serait ma fête. T'inquiète pas mon pote, je rembourse toujours ce que je dois. Fous-toi de ma gueule. Il m'a répondu, pointant son doigt sur moi. Vas-y, on se connaît, on est voisins, pas de chiménique entre nous. Qu'est-ce que j'avais pas dit, cousin? Dans les parties, j'ai reçu son genou. Et pour la deuxième fois de la matinée, j'ai embrassé le sol. Un grand coup de mocasse dans les côtes, j'ai pris 50 coups de grolle. La part d'un footballeur amateur, crois-moi, sérieux, ça nique. Et j'ai fini par lui dire, la vie de ma mère, je vais te rendre ton fric. Je vais trouver les mots justes, et ça l'a apaisé. Va quand même carotter ma montre, et je me suis fait baiser. Elle valait plus de paix que je lui devais, ça il savait. Fais la paix. Qui m'a dit, sans rancune, tu me connais. Justement, j'ai pensé et j'ai opté pour la boucler. En vérité, j'ai bien fait. Il s'est barré en me souhaitant bonne journée. Zermi pour Jermi, c'est moi que je cite. C'est de la fiction, pas du vécu, façon explicite. Ego surdimensionné, ça fait partie du trip. À contre-pied les clichés, la journée d'un pauvre type. Zermi pour Jermi, c'est moi que je cite. C'est de la fiction, pas du vécu, façon explicite. Ego surdimensionné, ça fait partie du trip. À contre-pied les clichés, la journée d'un pauvre type. J'ai un problème avec la race canine et la jante masculine. Ce que j'ai de mieux à faire, c'est de me rabattre sur les cousines. M'exprimer en termes gras, j'ai la quête d'un petit terme. C'est pas très romantique, j'ai bien, mais j'ai pas l'âme poétique. J'ai donc foncé dardard, aveuglé par mes pulsions. À l'affût du moindre regard, j'ai concentré mon attention. Et ce bon vieux Belzébuth, comprise des accros de la culbute, a répondu mes attentes de pauvre loser en rut. Trois sans l'amour, sans la dure lutte. Grosse dame m'a proposé, j'ai cru que sur moi elle kiffait. Et mon petit cœur s'est emballé, j'étais comme possédé par une puissance occulte. Prêt à me donner en pâture, corps et âme voyait son culte. Elle m'a trouvé bizarre quand je lui parlais de rancard. D'un petit resto peinard, t'as mon délire au plumard. Je suis soudain redescendu sur terre quand elle causait Jean Hart. Avec mes yeux hagards, j'ai vu la vieille sans phare. Elle me montrait ses dents noires en riant sur ma face de tocard. J'ai pris la mouche directe en lui disant je me barre. J'ai senti mes joues rouges et ma bouche toute sèche. La pauvre allure d'un pauvre mec qui venait de se taper la hèche. J'étais tombé si bas aux prostituées en proie. Tu me crois ou tu me crois pas, mais je croyais plus en moi. La journée de la dernière chance n'avait pas dit son dernier mot. Et pour rentrer chez moi, ça s'est pas fait sans accro. Mais j'ai un frein à lâcher et un suspense à conserver. Soyez patient pour la suite, il me reste un dernier couplet. Jour de Zermi, pour Jermi, c'est moi que je cite. C'est de la fiction, pas du vécu, façon explicite. Ego surdimensionné, ça fait partie du trip. À contre-pied les clichés, la journée d'un pauvre type. Jour de Zermi, pour Jermi, c'est moi que je cite. C'est de la fiction, pas du vécu, façon explicite. Ego surdimensionné, ça fait partie du trip. À contre-pied les clichés, la journée d'un pauvre type. Aujourd'hui, l'humanité est fâchée. Alors j'aimerais me réconcilier avec moi-même. en faisant un tarpé. Poulet dans la chaussette, 0% honnête. La bonne vieille drogue des familles, c'est qui t'apaise la tête. Le ciel m'est tombé sur la tête, alors j'ai le droit au réconfort. Ça me rassure, Félior. Soudain, je me sens plus fort. Et les cheveux au vent, j'avale l'asphalte en m'épressé. J'en cherche un coin tranquille, à l'abri pour rouler. Une bonne vieille cave, ça fera l'affaire. Tu connais ça, mon frère. Je vais émietter mon zette là, tâcher d'oublier mes galères. Ça peut paraître tout cool, mais y'a des jours où rien ne roule. Un mauvais tour de la minuterie, et ça m'a mis les boules. Retrouver un gratte paumé dans un sous-sol dévasté, c'est comme l'aiguille dans la botte de foin, c'est pas une chose aisée. Pas question de m'abaisser, j'ai eu mon compte pour la journée. Et dans une flaque de pisse, c'est mon bout de shit que j'ai laissé. Pas de regret, pas de remords, prends le taureau par les cornes. Bien décidé à faire mentir cette foutue journée morne. Mort ne plaît, j'ai pensé, avec un regard panoramique. Un 16-9ème sur ma cité, à la grisaille peu sympathique. Coup de blues, plus de flouze, de toute façon je m'en fous. Rien dans la tête, ouais l'eau, et dans les poches plus rien de tour. Tour Bercaille et l'hélico, dans mon home sweet home. Saturé par la télé, et par le cri des mômes. J'ai verrouillé la chambre, je me suis étalé sur mon lit. Mes paupières se sont fermées, et je me suis lentement assoupi. J'ai pioncé comme un gros sac jusqu'au lendemain midi. Et je me suis levé du pied gauche comme si c'était reparti. Alors je me suis ressaisi et je me suis dit putain je suis qui. Aussitôt dit, aussitôt fait, je me suis vite rendormi. Allez Ness, fermé pour Jeremy, c'est moi que je cite. C'est de la fiction, pas du vécu, façon explicite. Ego surdimensionné, ça fait partie du trip. À contre-pied les clichés, la journée d'un pauvre trip. Fermé pour Jeremy, c'est moi que je cite. C'est de la fiction, pas du vécu, façon explicite. Ego surdimensionné, ça fait partie du trip. À contre-pied les clichés, la journée d'un pauvre. Hard de merde.